Smartphones, tablettes, voitures autonomes, peluches, balances ou chaussettes connectées. Est-ce que la high-tech est allée trop loin? Avons-nous toutes et tous besoin de ces si nombreux gadgets technologiques plus ou moins jetables, plus ou moins rapidement obsolètes, qui consomment des quantités non négligeables d'énergie et de matières premières? Et s'il était temps de se mettre collectivement à faire plus et mieux, mais avec moins, c'est le postulat du mouvement low-tech, basse technologie, qui propose de revenir à des formes de consommation plus sobres. Mais ce low-tech peut-il réussir à se généraliser et à dépasser le simple statut de bricolage? Low-tech, demain, c'est moins, c'est le programme Économe qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tout comprendre à cette nouvelle façon d'envisager notre rapport au progrès technique et bien plus encore, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui l'un des théoriciens du low-tech, Philippe Biwix, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur centralien, spécialiste des ressources non renouvelables et auteur de L'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable, c'est aux éditions du Seuil. Et Quentin Mathéus, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieur designer en charge des enquêtes du Low-Tech Lab, mais on commence par celle qui rend soutenable chaque jour l'actualité scientifique, dans plusieurs sens du terme. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Et on commence ce journal avec une étude qui vient de paraître à l'instant, il y a 2 minutes, montre en main, dans la revue The Journal of Experimental Medicine. Contre le SARS-CoV-2, nous aurions découvert 2 nouveaux anticorps monoclonaux neutralisant à large spectre. Et ce sont potentiellement 2 nouvelles molécules qui viennent s'ajouter à notre arsenal contre le Covid-19. Or certes, aujourd'hui, nous avons des vaccins qui ont prouvé leur efficacité pour éviter les formes sévères, mais c'est une découverte importante, et en particulier pour les patients immunodéprimés qui ne répondent pas ou très peu à la vaccination. En France, il y a à peu près 200 à 300 000 personnes immunodéprimées et qui sont donc susceptibles de développer des formes graves de la maladie. Donc l'idée, c'est d'administrer des anticorps neutralisants pour éliminer le virus, un peu comme des antiviraux. Alors cette étude a débuté il y a 2 ans, au début de l'épidémie, en mars 2020. Les chercheurs de l'Institut Pasteur et de l'INSERM voulaient mieux comprendre les réponses immunitaires face à ce virus. À partir de sérums de patients convalescents, ils ont identifié 2 anticorps monoclonaux à large spectre, car ils sont capables de neutraliser tous les variants connus à ce jour. Hugo Mouquet, immunologiste et directeur de laboratoire à l'Institut Pasteur, il est l'auteur principal de cette étude. Les anticorps monoclonaux donc sont issus d'une cellule du système immunitaire qu'on appelle le lymphocyte B. Et donc, à partir des cellules qu'on est capable d'isoler de sujets qui ont monté une réponse anti-SARS-CoV-2, de reproduire en laboratoire l'anticorps qu'elles produisent in vivo chez l'individu. Dans le cas du SARS-CoV-2, c'est des anticorps qui sont dirigés contre la protéine de spicule, qui sont des anticorps qui peuvent être neutralisants et donc contribuer à la clearance de l'infection et à protéger contre les réinfections. Donc nous sommes partis de prélèvements sanguins de sujets convalescents ayant monté une réponse immunitaire et en particulier anticorps contre le virus. Nous avons sélectionné 10 sujets qui avaient fait une très bonne réponse anticorps et produit à partir de leur lymphocyte B plus d'une centaine d'anticorps monoclonaux, donc humains. Et nous avons étudié ces anticorps et en particulier leur capacité à neutraliser le virus originel de Wuhan. Et sur ces centaines d'anticorps, nous en avons identifié 5. Et parmi ces 5, 2 étaient à large spectre, neutralisant l'ensemble des variants préoccupants du SARS-CoV-2. Donc on est en train de tester actuellement Omicron BA4, BA5, mais antérieurement à ces 2 variants, nos anticorps sont actifs contre alpha, bêta, gamma, delta, delta plus, Omicron BA1, BA2. Donc ils ne sont capables d'agir sur les différents variants du SARS-CoV-2. Eh bien, actuellement, ces 2 molécules sont en cours de développement clinique par une biotech appelée SpikeIM, donc pour évaluer l'efficacité clinique de ces molécules chez les immunodéprimés. Et donc, on espère voir les premiers essais cliniques démarrer en juillet 2022 donc une phase 1 chez les sujets sains. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller tester la capacité de ces molécules à prévenir les formes sévères de Covid-19 chez les immunodéprimés. Voilà, si vous voulez retrouver l'étude qui vient donc tout juste de paraître dans The Journal of Experimental Medicine, vous pouvez eh bien la retrouver en lien sur notre fil Twitter @laméthodefc ainsi que sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. Face à l'épidémie de variole du singe, l'Organisation mondiale de la santé a convoqué son comité d'urgence du règlement sanitaire international. Est-ce que la variole du singe représente une urgence de santé publique internationale? C'est la question qui va être tranchée par les experts de l'OMS le 23 juin. Son directeur, Tedros Adhanom, a déclaré que cette épidémie est clairement inhabituelle et préoccupante. Nous ne voulons pas attendre que la situation soit hors de contrôle. Pour l'heure, 1600 cas confirmés et 1500 cas suspects ont été repérés dans 39 pays. 72 décès ont été signalés dans des pays précédemment touchés, mais aucun n'a été signalé dans les 32 pays non endémiques. De son côté, la Commission européenne a annoncé hier l'achat de plus de 100 000 doses de vaccins antivarioliques. Pour le moment, l'OMS ne recommande pas la vaccination de masse. La fusée Ariane 6 ne décollera finalement pas en 2022. Et c'est ce qu'a annoncé l'Agence spatiale européenne, sans expliquer les raisons de ce nouveau retard. Depuis 2020, le nouveau lanceur européen cumule les différents reports. Le vol inaugural d'Ariane 6 devrait avoir lieu en 2023 à Kourou, au centre spatial guyanais, mais aucune date précise n'a été avancée par l'ESA. La fusée n'a pas encore été déployée sur le pas de tir. Et enfin, pourquoi les chats aiment-ils tant l'herbe à chat? Une étude publiée hier dans la revue eScience apporte peut-être des éléments de réponse. Nicolas, vous avez peut-être déjà observé Gaston, votre chat, se rouler, se frotter dans de l'herbe à chat ou de la vigne argentée. Vous l'avez aussi peut-être vu mâchonner quelques feuilles puis en recracher. À la suite de différentes expériences en laboratoire, une équipe japonaise a découvert que lorsque ces plantes sont froissées ou mâchées, elles libèrent de grandes concentrations d'iridoïdes, une substance chimique qui est un puissant anti-moustique et qui fait également fuir les cafards ou les acariens. Est-ce pour cette raison que les félins ont un tropisme pour ces plantes? On ne le sait pas. Si vous voulez tout savoir, Gaston n'aime pas l'herbe à chat et c'est pour ça que je me fais bouffer par les moustiques. Merci beaucoup Natacha et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Le Nomade des Mers, le navire amiral du Low-Tech Lab, revient à bon port après 6 années d'exploration, 25 escales et plus de 50 low-tech documentés, je crois même bien plus que ça, on va en parler dans un instant. Ce catamaran, parti donc en février 2016, en quête de solutions low-tech tout autour de la planète, rentre à Concarneau le 25 juin prochain, c'est samedi, pas de cette semaine, la semaine d'après, et se tiendra dans la foulée un festival tout au long de la semaine pour rendre compte justement de cette expédition et des diverses idées récoltées tout au long de ce périple. Nombreuses sont en effet celles et ceux qui pensent que l'ère de la high-tech a enfanté des monstres. Avons-nous vraiment besoin collectivement de chaussettes connectées, de ces multiples gadgets technologiques dont la société de consommation nous abreuve et qui gaspillent énergie, matières premières et finissent souvent en panne, à la poubelle ou oubliées au fond d'un tiroir? Et il n'y a pas que les gadgets, c'est tout le système de surconsommation qui aujourd'hui a des conséquences directes sur l'environnement et la détérioration de notre planète. Or, cette ère de la consommation, cela fait des décennies qu'elle est dénoncée, comme en atteste notre archive du jour. Nous sommes en 1974. Ce qu'il faut, c'est éviter cette coupure du cycle que représente jeter les matériaux, jeter les produits que nous utilisons. On peut admettre que de 30 à 40% des emballages ne servent strictement à rien. On pourrait parfaitement s'en passer. Tandis qu'on sait parfaitement que tout ce qui est combustible fossile, ça, c'est limité. C'est limité dans le temps. Donc une affaire comme la France doit complètement modifier ses structures industrielles, ses structures de consommation. Elle devra peu à peu, en effet, cesser une économie qui était basée sur le gaspillage des matières premières et de l'énergie pour revenir à une économie, On a habitué les gens à dépenser, à consommer, la consommation devenant à ce moment-là un indice de richesse. Dans le temps, il était absolument impensable de jeter quelque chose d'un petit peu important. On avait déjà du mal à acheter des aliments, acheter un morceau de pain, c'est vrai. Le mythe du pain qu'on devait conserver était un mythe extrêmement important. Et moi qui ai 50 ans, je vous garantis que dans ma jeunesse, j'en ai souvent entendu parler. Même cuisamment, pourrais-je dire. Oh ben non, on ne se contente pas d'acheter du pain, on jette des vêtements, on jette même des montres. Je crois que pour l'instant, de toute façon, l'accélération du temps est telle, et l'accélération des problèmes est telle actuellement, on sera amené à changer relativement rapidement le système économique. En tout cas, entre le monde que nous avons actuellement et celui que nous aurons d'ici 20 ou 25 ans, il y aura des différences absolument considérables. Voilà, ça, je vous vois sourire, Philippe Biwix. On est en 74, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que dénoncer la surconsommation, c'est quelque chose d'assez récent, qui a 10-20 ans. Bah non, ça a 50 ans quasiment. Oui, ce qui me faisait sourire, c'est le fait que voilà, ça peut pas durer encore 20 ans ou 25 ans, ça va pas aller. Donc finalement, dans les lanceurs d'alerte écologistes, on pourrait dire, il y a aussi une tendance peut-être à exprimer l'urgence, de la même manière que chez les plus technophiles, eh bien, dans les mêmes moments, on disait qu'il y aurait des bases lunaires sur en l'an 2000 et puis qu'on aurait chacun son avion personnel et je sais pas quoi et qu'on repousserait l'âge de la mort, quoi. Donc effectivement, on a cette tendance à toujours se sentir dans un monde en accélération incroyable, peut-être. Parce qu'effectivement, il y a une accélération, mais à force de dire qu'il y a une accélération incroyable et l'accélération de l'accélération, on retrouve les mêmes textes dans les années 50, etc. Donc, voilà, c'est peut-être une manière de prendre un petit peu de recul aussi, finalement. C'est très compliqué, on fait face à des challenges, mais bon. On va en parler. Quentin Mathéus, votre regard ou votre écoute plutôt sur cette archive? Bah ouais, je trouve ça intéressant. Je trouve qu'il met le doigt aussi sur quelque chose qu'on questionne pas forcément quand on parle de solutions techniques, etc. C'est finalement le paradigme qui a changé où la consommation est vue comme est valorisée et intéressante. Même le mot économie, je trouve ça très fort. De dire qu'aujourd'hui on est entre guillemets piloté par des économistes qui nous disent quoi faire pour faire tourner la machine, etc. Alors que pour moi, mes grands-parents, même mes oncles et tantes, etc., l'économie c'est tout ce qu'on peut économiser et éviter de consommer. Oui, c'est oui, tout à fait la polysémie du mot est effectivement très intéressante. On va parler donc de Cellotech très précisément tout au long de cette heure. Peut-être une question avec vous pour commencer, Quentin Mathéus. Parlez-nous un peu du Nomade des Mers, de cette expédition. Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer à Concarneau le 25? Alors en fait, le Nomade des Mers, il est parti d'un constat qui est que dans certains pays du Sud, on apprend, j'ai envie de dire malgré nous, sous la contrainte, à faire mieux avec moins, ou en tout cas à faire avec moins sous contrainte. Et ça a été, je pense, un peu le point de départ de Corentin Châtel-Perron, qui est le fondateur du Low-Tech Lab et aujourd'hui le chef d'expédition de Nomade des Mers. C'est que, bah voilà, cette ingéniosité, on parle souvent des ingénieurs, etc., mais là, il y a une ingéniosité qui est beaucoup plus diffuse, qui est beaucoup plus partout... observable, et ben elle fait preuve parfois de solutions justement qui répondent de façon beaucoup plus efficace. Alors le mot efficace est à poser comme question aussi, mais en tout cas de façon plus locale, plus sobre, plus économe à des besoins essentiels. Et du coup l'idée c'était puisque ça paraît pertinent non seulement là où c'est inventé et c'est utilisé, mais ça pourrait l'être pour partout dans le monde et même avant tout au nord où on a un peu oublié justement comment faire sous contrainte et avec moins, faisons une expédition, un tour du monde à la voile où on va rencontrer ces inventeurs, ces makers, ces utilisateurs au tout quotidien de solutions qu'on qualifie nous de low-tech du coup, pour les comprendre, les documenter et les diffuser en open source sur une plateforme wiki, donc qui a été un peu le point de départ du Low-Tech Lab, c'était vraiment cette plateforme-là, sous forme de tutoriels, sous forme de vidéos, pour vraiment démystifier en fait tout un tas de systèmes qui pourraient répondre différemment à nos besoins du quotidien, divers et variés. Un mot, Philippe Biwix, sur cette aventure. Vous l'avez évidemment, j'imagine, suivi, accompagné, peut-être. Disons que oui, on se croise assez souvent parce que on va dire que quand il y a des événements ou des conférences sur les low-tech, il y a souvent un peu le côté intello et puis le côté plus pratique. Et alors, qu'est-ce que ça peut donner dans la vraie vie? Et donc, on se croise évidemment régulièrement avec le Low-Tech Lab. Alors après, on n'a pas on en débat d'ailleurs souvent de manière très très transparente et sympathique, toujours tout à fait les mêmes définitions, en tout cas dans la version simplifiée des définitions. La question des besoins, la question de l'utilité, elle est vraiment centrale, hein, parce que finalement, qu'est-ce que c'est de plus low-tech que de l'éco-conception poussée? Bah, c'est qu'on peut pas, on peut éco-concevoir un distributeur de croquettes pour chats connectés, voilà, mais ça fait un truc pas terrible quand même. Alors que low-tech, on va se dire, bah tiens, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc cette question des besoins, elle est essentielle. Et le petit débat qu'on a, c'est sur le fait que de dire, est-ce que c'est quoi les besoins du quotidien? Et finalement, l'opéra, ça peut être low-tech aussi. Et Cosy Fan Touté, c'était joué il y a deux siècles avec beaucoup moins de techno. Ça marche encore comme ça et c'est plutôt sympa. Est-ce que c'est un besoin essentiel? Voilà, ça peut, on peut ouvrir le débat. On va essayer de comprendre précisément ce que c'est que ce mouvement low-tech. Évidemment, comme vous venez de le dire, l'un et l'autre, ça ne se contente pas aux usages du quotidien ou aux petits appareils du quotidien. C'est quelque chose de bien plus large qui repense, comme vous l'avez compris, notre rapport global à la consommation. France Culture. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de low-tech tout au long de cette heure en compagnie de Philippe Biwix et de Quentin Mathéus. À quand est-ce que vous faites remonter l'émergence de ce concept, Quentin, par exemple, pour commencer? Je pense que les extraits qu'on a eus là des années 70 sont un peu les, pas forcément les points de départ parce que ça peut remonter plus loin, mais en tout cas il y a eu plein de penseurs dans ces années-là qui ont déjà émis des concepts qui sont proches de la low-tech. À savoir. Par exemple, l'outil convivial de Ivan Illich, qui est un outil qu'on peut maîtriser, qu'on peut réparer, qu'on peut adapter, etc. Une certaine échelle humaine, en fait, de l'outil, ou du savoir-faire, parce que c'était pas que l'outil. Mais aussi, moi, je le rapproche souvent, en fait, c'est intéressant, le mot low-tech marche pas aussi bien dans le monde anglophone que dans le monde français. En monde français, on a une petite fascination pour ce genre de concept. En anglais, low-tech, c'est beaucoup plus naturel de dire, tiens, un jeu de cartes, c'est plus low-tech qu'un jeu vidéo, quoi. Voilà, c'est normal, ça paraît logique. C'est un mot comme un autre. Et donc, du coup, en anglais, il y a eu un penseur, en tout cas, il y a un concept qui existe, qui est l'appropriate technology. Donc la technologie appropriée, on dirait en français, qui pareil date de ces années-là et qui se rapproche beaucoup des sujets low-tech. On peut dire que dans l'histoire économique ou industrielle, Philippe Biwix, il y a effectivement une bascule après-guerre où on arrive, c'est ce qu'on entendait un peu dans l'archive tout à l'heure, à du tout consommable, du tout jetable. On fait des canettes en alu qu'on peut jeter, qui sont vendues comme étant précisément jetables dans la nature. On commence à développer du plastique partout. Il y a vraiment un changement aussi, une transformation finalement de l'industrie mondiale, ou en tout cas des pays occidentaux. Oui, ou en tout cas, il y a une accélération. Alors effectivement, d'un point de vue technique, les polymères plastiques se développent vraiment, apparaissent dans les années 50. Il y a aussi évidemment toute la poussée technologique créée par la Seconde Guerre mondiale, hein, qui va du radar à l'ordinateur pour décoder la machine Enigma, etc. Enfin, en tout cas, les prémices de tout ça. Donc ça va effectivement, ça va aller se répandre dans l'industrie et dans la consommation du quotidien, d'abord par les États-Unis, et puis ça va être aussi les taux d'équipement des ménages en réfrigérateurs, en voiture, etc. Donc, il y a cette conjonction, effectivement, de cette grande accélération avec finalement la phosphorescence des années 70, qui sont évidemment un peu entre un bout de New Age, d'esprit 68 et autres. Enfin, en tout cas, il y a le combat écologiste, il naît quand même à ce moment-là. Alors, plutôt, on pourrait dire des années 60 plutôt, avec Rachel Carson et autres. Et voilà, c'est cette conjonction-là qui va créer effectivement des réflexions sur les penseurs. Il y a aussi le fait que il y avait l'aide au développement. Donc, la question des pays du Nord qui équipaient en high-tech quelque part, en usine clé en main, les pays du Sud qui venaient d'être décolonisés, enfin de retrouver leur indépendance. Et puis assez vite, ces usines n'ont pas été vraiment maintenues, etc. Et donc il y a des gens comme Schumacher, effectivement, Small is Beautiful, qui va Ernst dire bah, Friedrich Schumacher. Il y a toujours d'ailleurs un Schumacher College, un Schumacher Institute en Angleterre, alors qu'il n'y a pas peut-être autant d'aura aujourd'hui qu'il a pu en avoir dans les années 70-80, mais et qui disait il faut peut-être mieux équiper les gens en biens intermédiaires, des choses, des machines-outils, etc., qui vont leur permettre de produire eux leurs outils de consommation, plutôt qu'avoir des choses qui ne vont pas être maintenables. Et donc c'était cette notion de technologie. Alors, je crois qu'en anglais c'était intermédiaire. Technologies, technologie intermédiaire, justement, au travail, hello. Et en français, ça voulait vraiment rien dire et ça a été traduit par approprié. C'est logique de dire la bonne techno, le bon niveau de techno pour le bon usage. Alors, du coup, bon, high-tech, on voit facilement. Du coup, qu'est-ce que ça définit généralement? Comment est-ce qu'on peut circonscrire finalement ce que c'est précisément que le low-tech, Quentin Mathéus? Nous, au low-tech lab, on a une définition assez, pratique, rapide. C'est utile, durable, accessible. En gros, ça va être, donc c'est un point de départ, j'ai envie de dire, technique. C'est des solutions, on parle de système, autre chose que ce dont on est équipé au quotidien, mais des alternatives low-tech qui sont utiles parce qu'elles répondent à des besoins essentiels. Il y a tout un débat et il est super intéressant sur quels sont les besoins essentiels. Et il n'y a pas de hiérarchie, je pense, a priori à faire. Notamment Maslow est un peu quelque chose qu'on a tous en tête parce qu'on l'a appris. Mais voilà, je pense que si juste les uns les autres, on se nourrit, on se reproduit, on s'abrite, on n'est pas dans un monde très vivable et très appréciable non plus. Donc c'est ce côté utile, en tout cas, qui répond à un besoin essentiel parce qu'on s'est posé la question du besoin. La dimension durable, elle est aussi, aujourd'hui, le mot est un peu galvaudé et même le développement durable un peu aussi. Donc, c'est plutôt se poser la question de comment est-ce qu'on sait pérenne. Il y a beaucoup de gens qui amènent ce mot, une technologie pérenne, ou même un système technique pérenne, c'est quelque chose qu'on n'a pas juste envie de se dire que ça marchera encore en 2030, en 2040, et que c'est viable à la fin du siècle, peut-être, croisons les doigts, mais plutôt dans 1000 ans, par exemple. Et il y a eu plein de systèmes techniques qui ont eu cette pérennité-là, alors que ceux d'aujourd'hui ne l'ont pas. Donc c'est des systèmes qui vont être robustes, réparables, adaptables à plein d'objets, plein d'usages différents et polyvalents, etc. Et le dernier point, il est important pour nous, c'est la dimension accessible. Ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça a une vocation vraiment de dire, il faut, enfin, une solution, elle est low-tech parce qu'elle peut répondre au plus proche d'un besoin Et l'idéal, c'est que l'usager réponde par lui-même à ses besoins. Donc c'est finalement remonter en autonomie technique, en savoir-faire, en capacité d'adapter, de modifier, etc. Mais si je caricature un peu, ça voudrait dire que idéalement, n'importe qui doit pouvoir fabriquer tout ce qui lui est nécessaire sans avoir forcément de compétences techniques, de bricolage, d'ingénierie, de maçonnerie, de menuiserie. Alors il y a deux choses à garder vraiment en tension. Il y a l'une qui est aujourd'hui on a exproprié de savoir-faire technique une grande partie de la population, on ne sait plus rien faire entre guillemets, ou en tout cas des choses du quotidien. Et donc il y a un enjeu à rediffuser cette culture technique du quotidien vraiment hein, de plein de choses, réparer son vélo, cuisiner, enfin des choses de base. Et en même temps, il y a un sujet, c'est qu'évidemment, on n'est pas dans l'imaginaire, en tout cas nous au Low Tech Lab on le défend pas, l'imaginaire de seul dans son coin à pouvoir tout faire, à devoir tout faire, il y a aussi être aliéné à cette autonomie là. L'autonomie au sens dont qu'on la défend et qui est souvent utilisée, c'est plutôt répondre collectivement. Et du coup, devoir choisir aussi collectivement, et c'est ça l'autonomie dont on parlait un petit peu tout à l'heure, de pouvoir avoir un peu plus de maîtrise et de mainmise sur juste les systèmes dont on dépend au quotidien. Et aujourd'hui, on le voit avec les crises énergétiques, de matières premières, etc., etc. On est complètement aux abois sur les systèmes dont on dépend. Donc c'est se réapproprier cette dimension technique de nos vies, en gros. Philippe Biwix, pour compléter cette définition, quelle serait la vôtre? Oui, alors la mienne est... Enfin, c'est très complémentaire. Hein. De toute façon, il y a beaucoup de gens qui sont arrivés à la low-tech par différentes voies. Il y a par exemple des gens qui font de l'éducation low-tech en réfléchissant à faire de l'éducation sans numérique parce qu'ils considèrent qu'il y a un impact psychosocial sur les enfants, etc. Donc, moi, j'aime bien parler de démarche. C'est-à-dire qu'on est toujours le low-tech de quelqu'un, le high-tech de quelqu'un. Moi, je me balade avec un dumb phone. J'ai appris que ça s'appelait dumb phone sur votre antenne. Bête. Un téléphone bête, qui en fait, voilà, un téléphone qui a une dizaine d'années et qui était à la pointe de la technologie il y a 15 ans, en fait, avant la sortie du smartphone. Et aujourd'hui, on me dit, ah bah, t'es low-tech, t'as un téléphone. Non, en fait, il est high-tech, il est moins high-tech. Alors, c'est peut-être lower-tech, oui. plus low-tech que low-tech tout court. Donc, moi, j'aime bien parler de démarche. Et le fait de parler de démarche, eh bien, ça permet de, quelque part, d'adopter les low-tech un peu partout, quoi. On pourrait faire de l'Internet low-tech. Chris de Decker, par exemple, fondateur de Low-Tech Magazine, qui est un truc qui existe depuis 2006 ou 2007. Lui, il a un site Internet qui fonctionne avec un petit panneau solaire. Il s'amuse avec sa batterie. Et quand au bout de 3 jours à Barcelone, il n'y a pas de soleil, le site tombe et il explique que ça tombe. Alors comme c'est pas Amazon, il peut se permettre que son site tombe, hein, voilà, il n'y a pas de problème. Donc la démarche, alors qu'est-ce que ça peut être une démarche? Pour moi, c'est une logique de sobriété d'abord, de réduction à la source, de juste dimensionnement, de juste besoin. Alors ça, on retrouve toute la question du gâchis effroyable, de la consommation du quotidien, mais aussi d'autres choses. On pourrait dire aujourd'hui, ben, on a un système de métropolisation, de concentration des populations, de décohabitation, qui fait que quand on a une personne de plus sur le territoire, on met 2 logements en chantier et on continue à dire qu'on en manque. Donc c'est quand même un peu, vu de l'espace, c'est un peu spécial. Donc voilà, le gâchis, il est partout dans tous les domaines. Ensuite, il y a la question de l'éco-conception, donc d'aller designer des choses effectivement durables, de rentrer dans un monde, quelque part, du prendre soin de la réparation, de la transmission du patrimoine. Et je pense qu'il y a une énorme différence entre maîtriser la fabrication d'un vélo. Personne peut maîtriser la fabrication d'un vélo. Personne. Il y a des gens qui le font, mais néanmoins. Seul, non, jamais. Oui, et en fait, depuis Jean-Jacques Rousseau déjà disait au 18e, enfin voilà, il expliquait très bien et mieux qu'Adam Smith avec la manufacture d'épingles qu'il fallait mieux se mettre à plusieurs et qu'on convoquait finalement à table l'ensemble des productions humaines de toute la société. Donc, par contre, le réparer, le vélo, c'est beaucoup plus simple que le fabriquer. Donc, quand on l'a en main, il y a plein de choses qu'on va savoir faire. Et donc, c'est ça un petit peu qu'on peut trouver. Et puis, le techno-discernement, la démarche pour moi de discernement technologique, c'est de dire, on jette pas toutes les technos, on est content de les trouver quand on va à l'hôpital ou j'en sais rien, ou dans les transports. Enfin, il y a des choses où la technologie va être nécessaire, mais simplement de l'utiliser aux bons endroits, parce qu'elle embarque des ressources précieuses qui seront gâchées irrémédiablement, parce qu'on ne sait pas recycler ces produits high-tech, donc ils ne seront pas disponibles. Les ressources sont perdues pour les générations futures, c'est quand même une responsabilité énorme, et donc à quoi on les utilise, à quoi on les embarque, et donc ça pose cette question de l'utilité. Vous parliez de réparer les vélos. Aujourd'hui, on a le sentiment, alors peut-être que c'est un biais personnel, parce que j'ai la chance de vivre dans une grande métropole et d'être sensible à ces questions-là, mais que de plus en plus, on trouve des ressourceries, des recycleries, des Fab Labs, des ateliers de réparation de vélos, y compris dans des grandes chaînes de sport. On a le sentiment tout de même qu'il y a quelque chose qui est en train de se débloquer un peu, ou c'est vraiment une perception biaisée, Quentin Mathéus? Non, nous, je pense, enfin, l'un comme l'autre, on peut témoigner qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent nous chercher, ne serait-ce que ça, pour cette démarche, pour cette... finalement cette espèce de rapport un peu original à l'innovation et qui va pas dans le sens du courant, disons. Et quand je dis de plus en plus de gens, c'est autant Décathlon que la région Bretagne ou l'ADEME, par exemple, l'agence des transitions. Donc je pense que Philippe a ses exemples. Donc il y a une tendance et on voit aussi qu'il y a beaucoup. Moi, je rapproche par exemple ça du phénomène de aux États-Unis, c'est le Big Quit, et là, on en parle beaucoup. Tous les ingénieurs qui font des exertions, les agronomes, c'est intéressant que ce soit dans ce champ-là. Et c'est pas les premiers, il y en a eu plusieurs autres avant, mais voilà, c'est différentes vagues comme ça. Et qui quittent donc les grandes industries du numérique et qui décident de changer de vie. Mais aussi, souvent, enfin, l'agro-industrie, oui. Big Pharma, enfin, c'est un peu tous les modèles justement hyper. J'ai envie de dire maintenant concentrer, capitaliser et technologiser, parce que maintenant, bah oui, la santé elle est technologique, l'école elle est technologique, l'agriculture elle est technologique. Et donc je trouve qu'il y a un peu aussi ce questionnement là, cette remise en question. On s'autorise un peu à remettre en question. Évidemment, on est très critique quand on le fait, mais il y a bien une tendance de fond. Maintenant, l'enjeu pour moi qui baigne dedans un peu depuis longtemps, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il y a plein d'opportunités et de leviers et de tendances de fond à saisir, et il faut pas que ça devienne juste en gros voilà, je sais regonfler mon pneu chez Decat quand je vais au boulot et je sais pas quel boulot je fais, je sais pas dans quel mode de vie je suis. Voilà, ça doit dépasser ça. Voilà, on voit bien que c'est évidemment un cadre plus large. On va aller voir concrètement comment ça s'incarne cette démarche low-tech au quotidien avec vous, Céline Lezenne. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes rendu au Low-Tech Lab qui est incubé à la Maison de la Planète à Boulogne-Billancourt. Oui, et j'ai retrouvé Ravaka Randan-Biritsoa et Renaud Deligny. Alors lui, c'est un ancien ingénieur, toujours en activité, mais qui ne trouve plus vraiment de sens dans son travail. Alors, sur son temps libre, il fabrique avec Ravaka et ses équipes des dispositifs plus économes en termes de consommation énergétique. Alors, il ne s'agit pas de s'engager dans une régression technologique, mais bien de concevoir des technos plus sobres et surtout qui permettent de renouer avec le savoir-faire. Ici, on est dans un lieu qui s'appelle la Maison de la Planète. Donc ici, on a une salle d'exposition où on a mis différentes techniques low-tech. Et puis à côté, on a un atelier dans lequel on peut bricoler et puis réaliser des prototypes et des installations. Alors, on est tous bénévoles dans l'association du Low-Tech Lab Boulogne-Billancourt Grand Paris. Il y a un peu de tout, en fait. Moi, je suis ingénieur, mais il y a aussi des designers, des gens de tous métiers. Qui sont là. Il y a des artistes, il y a des chercheurs, il y a des festifs, il y a vraiment de tous les profils, et c'est ce qu'on souhaite, justement, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et faire converger les expertises et les savoir-faire de tout horizon. Ouais, c'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est que ce soit, que les low-tech ne soient pas quelque chose pour des super techniciens ou pour des gens qui, on veut que ce soit vraiment utilisable et appropriable par le plus grand nombre. Et donc, par exemple, là, on peut voir qu'on a plusieurs dispositifs. Et on voit tout de suite le sens et le besoin. Ouais, là on est sur une exposition qui est vraiment focalisée sur des besoins liés à l'habitation. Ici, notamment, on a un petit peu l'ancêtre du réfrigérateur. On a remis au goût du jour le garde-manger. Alors, est-ce qu'on pourrait le décrire, ce garde-manger ? Donc, c'est une structure en bois avec différents compartiments. Tout à fait, parce que donc c'est une structure qui va s'intégrer dans sa cuisine, plutôt au nord pour garder la fraîcheur. Et en fait, on va avoir différents étages pour les différentes denrées alimentaires qui ont des besoins différents en conservation. Donc, il y a des aliments qui ont besoin d'être dans l'eau, comme les herbes fraîches. Puis, on a des aliments qui vont être plongés dans la terre pour bien se conserver, comme les carottes. Après, il y a des choses qui ont besoin d'être à la lumière, secs et aérés. Là, on est plutôt sur des fruits. On va avoir des choses très fraîches, humides, des choses qui vont être dans le noir. Et donc, on a ce petit meuble qui permet de cumuler un petit peu ces différentes conservations. Et que l'on va placer dans un endroit au frais, dans la maison, ou accessible depuis la cuisine facilement, pour remplacer une grande partie de l'année, en tout cas, dans beaucoup d'endroits, un réfrigérateur. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs astuces. Par exemple, les bananes, il ne faut pas les mettre à côté des fruits ou légumes. J'aime bien citer cette anecdote, parce qu'elles font mûrir les fruits plus vite. Donc, il y a des petites astuces comme ça qui permettent de conserver les aliments. Alors, celui-là, une technique complémentaire à ça, qui est en fait la remise au goût du jour du compostage ici, le bokashi, ça se fait dans un seau de 5 litres. Et donc là, avec des microbactéries actives, on va réussir à transformer une grande partie de nos aliments et de nos restes en un jus très nutritif pour des plantes et un petit peu de terreau. Donc voilà, ça, on revient sur les techniques qui sont connues dans certains pays du monde et réutilisées et que l'on a remis en fait dans nos intérieurs et qui sont utilisables en ville, à la campagne, vraiment partout. finalement, une fois que ça a été découvert et documenté, c'est une des missions du Low-Tech Lab, de documenter ces techniques pour qu'elles soient réalisables, que finalement, ce soit relativement simple à mettre en place chez soi. Il n'y a pas besoin de... Oui, il y a un côté open source où vraiment... Exactement. On dévoile les savoir-faire, on les présente. Alors, donc, tous ces tutoriels, au fait, ils sont disponibles en open source sur le site du Low-Tech Lab. Donc, tout le monde peut les regarder, essayer chez eux en faisant attention, parce qu'il y a certaines innovations qui ont quand même besoin d'un peu de compétences techniques. Mais ce qu'on souhaite vraiment, c'est que chacun puisse les reproduire avec nous ou chez eux. Là, on est devant une marmite norvégienne. Bah, bien sûr, parce qu'une fois qu'on a conservé nos aliments, il faut les cuire. Et donc, une des solutions, cette marmite norvégienne, c'est en fait un caisson super isolé. C'est un caisson extérieur et on va l'isoler, on va isoler toutes les parois et on va rajouter une surface qui va réfléchir les infrarouges pour optimiser la chaleur, que la chaleur reste à l'intérieur de cette boîte. Et en fait, on va commencer une cuisson d'un plat mijoté, comme un ragoût, un dalle de lentilles. Et puis, en fait, on va le monter à 100 degrés avec notre feu traditionnel. Puis, on va le placer dans cette boîte. Et la cuisson va continuer. Donc on interrompt la cuisson, mais on interrompt la cuisson effectivement avec l'apport d'énergie extérieure, que ce soit l'électricité ou le gaz. Et puis après on va le mettre dans cette boîte et par inertie ça va continuer à cuire. Donc on va augmenter un tout petit peu le temps de cuisson, mais on n'aura pas de risque que ça brûle en plus. On aura économisé l'énergie, exactement. Et donc là on est sur des techniques simples, puisque ici on a mis du liège qui vient de rénovation énergétique de bâtiments. Pour vraiment l'isolation intérieure. Mais en fait ça peut être de la laine de roche d'isolation, ça peut être du liège, ça peut être un vieux pull en laine. Et donc là tout matériau isolant va faire l'affaire suivant ce qu'on a à disposition. Ce qui est intéressant ici, c'est que là on voit des choses abouties, mais ouais, c'est le côté process qui est intéressant. Là, on peut voir sur le plan de travail. Oui, sur le plan de travail, il y a différents prototypes pour notamment faire la cuisine avec un rocket stove. Donc, c'est avec une combustion optimisée qui permet de faire très peu de fumée. Un rocket stove. Donc, c'est vraiment un feu. Et on va utiliser très peu de bois pour faire finalement une cuisson très rapide. Et oui, c'est vrai que l'ensemble des techniques qu'on met là sont vraiment focalisées sur le questionnement personnel, de savoir qu'est-ce qu'on a vraiment besoin pour être heureux et finalement pour vivre confortablement. Mais justement, pour parler de confort et de besoin, et là... Mais on a tous besoin de confort, la low-tech répond à ça. On a vraiment envie de rendre ces objets dans notre quotidien et qu'ils nous rendent service, finalement. Le but, c'est vraiment pas de se rendre malheureux et puis que le quotidien soit une charge. Hein. Voilà quelques-uns des best-sellers du Low-Tech Lab, une réaction à ce reportage. La marmite norvégienne, c'est un peu le passage obligé de tous les Fab Labs maintenant. Je vous ai vu sourire pour le reportage, Quentin Mathéus. C'est très cool. Je n'avais pas connaissance de ce qui allait être présenté et je trouve ça bien. C'est effectivement des exemples assez emblématiques parce que c'est des choses vraiment simples et qu'on peut avoir chez soi, même en ville. Il y a tout un mythe aussi de la low-tech, c'est à nouveau ça va avec, je suis tout seul dans ma ferme et je fais plein de choses et c'est du coup réservé à la campagne, etc. Alors que non, effectivement, pour moi, vivre, avoir vécu en partie en ville et avoir accompagné pas mal de projets de low-tech en milieu urbain, ça prend et ça pose tout un tas d'autres questions et des solutions. Du coup, là, typiquement, celle-ci, nous on les a testées aussi en milieu rural, elle marche très bien, mais du coup, c'est cool de voir que ça convainc partout. Philippe Buix. Oui, j'espère que ça contribuera pas à une image trop bricolo quelque part des low-tech, parce que bon, d'abord c'est très intéressant parce que ça permet effectivement de se réapproprier un savoir, une connaissance, une compréhension aussi des choses. Alors c'est vrai que ce qu'on va économiser en cuisant des aliments, finalement peut-être en hiver ça aurait contribué à faire chauffer votre appartement, et puis en été au contraire c'est cool parce que ça va vraiment économiser de l'énergie. Donc tout ça est très très complexe, mais moi, ça a été bien dit dans le reportage, je trouve que c'est presque la démarche, le process justement, et les échanges qu'il peut y avoir autour qui sont, me semble-t-il, intéressants, parce que c'est en tirant le fil qu'on va aller ensuite remettre en cause un certain nombre de besoins, de réflexes. Et puis, j'avais envie de dire aussi, parce que justement, en pensant à la marmite ou au chauffage, que la low-tech, c'est parfois même ultra simple, c'est à peine technologique, c'est-à-dire il n'y a même pas besoin d'un tuto pour monter un truc. Hein. Je vais vous donner une low-tech pour l'hiver prochain, par exemple. Ouais. Voilà. Comment est-ce qu'on évite de l'effet rebond, par exemple, en étant en télétravaillant chez soi, où on va peut-être devoir chauffer un peu plus, alors qu'on n'aurait pas chauffé forcément en journée en étant au bureau. Donc finalement, on n'est pas capable de mesurer aujourd'hui les économies qui seront faites peut-être d'un côté et au contraire des dépenses supplémentaires de l'autre. eh bien, on peut aussi chauffer pas tellement plus que d'habitude en restant à 16-17 degrés. Alors 16-17 degrés devant un ordinateur, c'est un peu froid. Mmh. Ben, vous mettez un plaid sur les genoux. Alors, si, à moins que votre chat soit pas en train de shooter vos iridoïdes à l'extérieur, ça peut être aussi le chat. Surtout qu'il y a le plaid et le chat en plus par-dessus qui vient réchauffer. Ça qui fait couverture. Donc, vous avez Lavoisier qui, dans son laboratoire à la fin du 18e, qui était absolument glacé et qui faisait ses expériences de chimie, lui, il avait des semelles chauffantes. C'est une autre low-tech possible, des semelles de chaussures. Hein, ouais. Mm-hmm. Bon, voilà, donc il y a plein de choses qui sont vraiment purement comportementales et d'une certaine manière, presque, on pourrait dire qu'une partie de notre réponse, même 90% de la réponse de l'humanité à Covid-19 a été très low-tech. Hein. C'était porter un masque, rester chez soi, se moucher dans son coude, même au début, on avait droit à ça. Bon, ça, on s'est aperçu que ça suffisait ensuite, pas tout à fait. Ensuite, la provision des masques, on n'est pas sûr que ce soit tout à fait écologique. Voilà, non, mais voilà, c'est ça. Et au début, les masques étaient do-it-yourself, un petit peu. C'était en tissu, c'est les mamies qui avaient repris les machines à coudre. Ouais. On va continuer à parler du low-tech. On va voir qu'effectivement, en dehors de ce côté ressourcerie, recyclerie, réparation, il y a évidemment des solutions qui sont envisagées à l'échelle plus large, à l'échelle des collectivités. On en parle dans quelques secondes musicales. Autrefois, pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau, une tourniquette pour faire la vinaigrette, un bel aérateur pour bouffer les odeurs, des draps qui chauffent, un pistolet à gaufre, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère, on dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout. La complainte du progrès de Boris Vian à 16h35 sur France Culture. Nous parlons d'un certain nombre de ces gadgets, mais plus généralement de la façon dont on peut s'en passer et penser, eh bien, à un progrès technique qui ne soit pas toxique pour l'environnement, qui ne soit pas gourmand et qui ne gaspille pas d'énergie ou de matières premières. On en parle avec Philippe Biwix, qui est ingénieur centralien et spécialiste des ressources non renouvelables, et Quentin Mathéus, ingénieur designer en charge des enquêtes du Low Tech Lab. Mais comme tous les mercredis à mi-parcours, c'est l'heure de la recherche montre en main. Et aujourd'hui, nous sommes en ligne avec Paul Lost. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur le dualisme high-tech, low-tech au prisme de la modélisation des procédés, exemple de la mine urbaine. Vous êtes doctorant en troisième année de thèse au CNRS. Bienvenue à la recherche montre en main. On vous écoute. Donc, lorsqu'on parle de low-tech, des images d'objets nous viennent immédiatement à l'esprit. Mais ce qualificatif peut aussi s'appliquer à des services, des systèmes ou, dans notre cas, des procédés utilisés pour transformer la matière. Plutôt que de concevoir directement de nouveaux procédés low-tech en laboratoire, notre approche se fonde sur la documentation de procédés rencontrés sur des terrains multisitués, embarquant des problématiques locales et globales et permettant la comparaison. Pour ce faire, notre objet d'étude s'est focalisé sur une famille de procédés la plus susceptible possible de répondre à une démarche low-tech sur le terrain. Les procédés de recyclage des métaux, et en particulier de recyclage de batteries au plomb, constituent un bon candidat pour de multiples raisons. D'abord, le plomb possède des propriétés particulièrement adaptées au recyclage avec un point de fusion de 327 degrés, température modérée, aisément atteignable et qui facilite la mise en forme du métal à l'état liquide. Ensuite, la batterie au plomb est relativement simple de conception, facilement collectable dans ce que l'on appelle la mine urbaine. Elle est universellement distribuée à la surface du globe du fait de sa présence dans les véhicules automobiles. Et contrairement aux autres technologies high-tech de batterie, ces raisons permettent le foisonnement d'une réelle technodiversité de procédés de recyclage de batterie au plomb, qui constitue un enjeu majeur pour nos sociétés contemporaines, à l'heure de l'impératif de circularisation de nos économies. Pour mener à bien notre étude, en tentant d'identifier des procédés rustiques et de les décrire de la manière la plus détaillée possible, nous avons mobilisé différentes disciplines scientifiques afin d'appréhender les multiples dimensions spatiales, sociales, technologiques, environnementales de ces activités. Ainsi, notre enquête a débuté par l'identification d'un cluster d'une vingtaine d'ateliers de recyclage de plomb dans la région indienne densément peuplée de l'Uttar Pradesh, en remontant de proche en proche des chaînes logistiques de matières plombeuses usagées. Les ateliers de recyclage que nous avons identifiés et étudiés sont caractérisés par un grand dénuement technologique, avec leurs fours en briques auto-construits, la plupart du temps par d'anciens agriculteurs s'étant reconvertis par mimétisme des pionniers du recyclage artisanal. Les procédés sont opérés par des moyens exclusivement humains, par l'utilisation d'outils rudimentaires comme la hache pour l'ouverture des batteries et la pelle pour le chargement du four. L'ensemble des opérations efficaces sur la matière est décomposé et représenté sous forme de chaînes opératoires, outils ethnographiques comparatifs, via des observations directes et parfois participantes, des entretiens et des bilans, qu'ils soient de flux de matière, d'énergie ou monétaire. Cependant, cette enquête ethnographique ne suffit pas pour comprendre les transformations de matière intervenant là où l'humain ne peut accéder, c'est-à-dire au cœur du réacteur. C'est précisément pour répondre à ces questions que les méthodes du génie des procédés sont mobilisées en enrichissant la description du détail des réactions chimiques en jeu et en évaluant les performances du procédé en termes de rendement et de pureté du métal produit. Cette analyse s'appuie sur les informations collectées et les relevés de paramètres physiques comme la température, ainsi que des outils scientifiques high-tech que les artisans indiens ne possèdent pas, tels qu'un logiciel de modélisation thermochimique et des analyses chimiques réalisées sur des prélèvements de matière, marqueurs du procédé. Bien que n'atteignant pas les valeurs de pureté issues des procédés industriels les plus élaborés, et au vu des moyens employés, celle-ci demeure suffisante pour réintroduire le plomb dans la boucle et en tirer de nouvelles batteries. Cette observation directe du modus operandi du procédé artisanal permet de se confronter à l'émergence et à la mise en œuvre de techniques low-tech, qui se rapprochent parfois du concept local de Yugan et se substituant à des moyens high-tech déployés dans d'autres procédés. À titre d'exemple, certains artisans contrôlent la qualité des lingots de plomb par leur seule expérience sensible de la matière, en frappant sur ceci et en écoutant le son qui en résulte. Pour autant, cette filière indienne de recyclage de batteries au plomb ne remplit pas tous les critères associés à la philosophie low-tech, et en premier lieu desquels les critères de santé et de soutenabilité. En effet, le plomb est un métal toxique, responsable de 900 000 décès annuels dans le monde, et les analyses que nous avons réalisées sur les sols agricoles attenant aux ateliers révèlent des niveaux de plomb supérieurs au seuil d'alerte, déclenchant des actions récurrentes en justice par les riverains. Enfin, ces procédés sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre du fait de leur utilisation de ressources fossiles comme le charbon. Afin de dépasser ces limitations, de nouvelles pistes de recherche low-tech sont envisagées, comme l'utilisation de sources d'énergie solaire à concentration. Et pour finir, ce travail ambitionne également de mettre en lumière ce stock de ressources métalliques dans la technosphère, parfois perçu comme obsolète, et pose donc la question de son nécessaire démantèlement. Merci, merci beaucoup Paul Lost. Vous restez avec nous, vous intervenez dans la suite de l'émission quand vous le souhaitez. J'ai face à moi deux bacheliers concentrés sur leur copie presque. Vous avez vu prendre des notes chacun, tout à fait passionné par ce qu'était en train de raconter Paul. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Quentin Mathéus? Plein de réactions. Je trouve que à la fois la démarche de dire en fait on n'a pas grand chose à inventer en termes de processus, il y a déjà beaucoup de choses qui sont disponibles et qui sont là, il faut regarder ailleurs qu'on a l'habitude de regarder. Ça c'est quelque chose qu'on prône beaucoup le Tech Lab et je trouve ça du coup intéressant de le faire comme ça. Après c'est sûr que nous on a aussi identifié l'enjeu de réutiliser les batteries au plomb qui sont bien plus maîtrisées et dans nos filières européennes ou françaises pas transformées comme ça, mais pour autant en tout cas on en maîtrise mieux les externalités et la revalorisation, la réutilisation de ces métaux. Et après sur la question finalement un petit peu ouverte à la fin, moi ça m'évoque plusieurs choses. Nous on a vraiment observé sur le terrain que l'artisanat est quand même assez cohérent avec la low-tech. Il y a quelque chose de se rapprocher de savoir-faire. Là, on entend voilà qu'ils testent la pureté au son de l'oreille. Voilà, on parle vraiment de quelque chose qui parle beaucoup plus du rapport humain-technique que ce qu'on peut imaginer dans nos bureaux entre guillemets. Et donc il y a ce sujet-là. Mais par contre, une petite distinction que je ferais entre ce contexte-là, voilà, de la juga, de l'innovation frugale qui est née en Inde, on le sait, c'est que souvent c'est innovation contrainte par l'économie. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de, je sais pas comment dire, de moyens financiers de faire les choses. Et comme la main-d'œuvre est pas chère, on fait beaucoup plus artisanalement parce que c'est pas cher. Et donc évidemment, les soucis environnementaux, sociaux, etc., ne sont pas là. Alors que je pense qu'on a peut-être une espèce de synthèse à faire entre, enfin, ou en tout cas, ce pourquoi je plaiderais, moi, dans un monde plus low-tech, ce serait un artisanat qui serait un artisanat qui se rapproprie toutes les dimensions de l'acte de faire. Autant la pollution que, moi, mes conditions de travail, que, voilà, la maîtrise que j'ai de ce que je produis, les choix qu'on a fait collectivement pour les produire. Et ça, je pense que c'est complètement à notre portée. En tout cas, nous, tout ce qu'on a vu sur le terrain en France auprès d'acteurs, disons, qu'on peut qualifier de incarnant les valeurs de la low-tech, c'est toutes ces dimensions-là qui se retrouvent dans leur geste. Philippe Biwix, qu'est-ce que vous avez pris en note? Je relève les copies. Plein de choses. D'abord ça, le fait que on est des gens qui aient une capacité cognitive, y compris avec le son, le regard, etc. Pour c'est des choses qui existent aussi dans le high tech et dans l'ultra high tech. Hein. Aujourd'hui, vous visitez des ateliers, des PME en métallurgie, y compris en aéronautique, etc. Vous avez des chefs d'atelier qui ont de l'or dans les doigts et qui sont capables de régler la machine, etc. Et donc c'est quelque chose d'ailleurs qui est toujours finalement presque mieux maîtrisé in fine par l'être humain que par la machine. Et ça peut paraître un peu choquant, étonnant, mais je suis sûr que tous les gens qui travaillent dans l'industrie comprendront ce que je veux dire. La deuxième chose, c'est que ce que ça me fait dire, c'est que là, c'est un exemple quelque part de low-tech dont on peut pas vraiment s'inspirer pour les pays du Nord quelque part, parce qu'en fait, aujourd'hui, effectivement, le recyclage du plomb, il est très bon dans les pays occidentaux. Il y a effectivement des enjeux sanitaires, des enjeux réglementaires. Le recyclage du plomb, il doit être à 99% dans un pays comme la France, et avec des filières de recyclage organisées qui sont beaucoup plus faciles, par exemple, que pour les batteries lithium, qui vont contenir plein de métaux différents, donc à traiter différemment, et qui arrivent de plein d'objets différents, alors que finalement le batterie au plomb, effectivement, essentiellement c'est les voitures, des camions, des bateaux éventuellement, mais voilà, c'est très peu de choses. Donc finalement pas forcément grand chose à en apprendre, disons, pour là venir le redéployer. Et puis la troisième chose que ça me fait dire, c'est que il faut choisir ses combats dans la low-tech, et que justement ce que ça fait dire un petit peu, ce recyclage un peu informel, un peu difficile. Alors on peut parler de recyclage des produits électroniques aussi, hein, dans les mêmes pays, qui sont pas jojo non plus, avec des températures de fusion un peu plus élevées, puisqu'on récupère l'or des microprocesseurs et le cuivre et quelques autres trucs, mais donc qui sont tout à fait sales également. C'est que c'est pas forcément dans les industries de procédés, c'est-à-dire les cimenteries, la sidérurgie, la chimie, des choses comme ça, des grosses usines, quelque part, elles sont aujourd'hui, elles ont été optimisées à la fois en termes de process de consommation énergétique pour des bonne raison capitaliste, on pourrait dire, parce que ça permet d'économiser aussi de l'argent, hein, donc c'est très bien. Et puis avec des enjeux réglementaires, de sujets réglementaires, qui fait que si on se remettait à faire des hauts fourneaux dans tous les villages, on serait un peu mal, enfin ces versions un peu Mao, vous voyez, dans les années 60, et franchement, c'est pas très propre, effectivement, et il y a plein d'externalités négatives, comme dit poliment Quentin. Donc moi, ce que je pense, c'est que la low-tech, au contraire, elle peut aller s'exprimer, au contraire, dans ce qu'on appelle plutôt les manufactures, la fabrication, la transformation, et c'est pas... Puis finalement pas la transformation de la matière, parce que ça c'est toujours un petit peu sale, quoi. C'est on est poursuivi par l'entropie et par le fait qu'on engage toujours un peu, il y en a toujours un peu qui part dans l'eau, dans l'air, partout, et qu'on pourrait se concentrer sur la transformation, voilà, la fabrication d'objets, les vêtements, les objets du quotidien, la transformation, le pliage, la soudure, le découpage, le perçage, le fraisage, voilà. Et là on va être dans des choses où effectivement on n'est pas obligé dans des giga usines, on n'est pas obligé de faire sillonner l'Europe à des pièces automobiles, parce que c'est aujourd'hui ça qui se passe, pour gagner 3 centimes par pièce, hein. Et là, on peut relocaliser des choses. Voilà, il y a aujourd'hui des usines qui produisent des milliards de brosses à dents. Voilà, est-ce qu'il faut forcément être à l'échelle de milliards de brosses à dents pour sortir une brosse à dents? La réponse est non. Par contre, un haut fourneau, et il faut mieux le garder là où il est et puis l'optimiser, quoi. Pour parler et pour en venir un peu à la fois à la critique et aux obstacles, je trouve qu'il y a un concept que je trouve tout à fait opérant, qui sort de la science-fiction, qui est celui d'Alain Damasio, qui parle dans Les Furtifs de techno-cocon, et de dire qu'on est arrivé à un niveau de confort aujourd'hui, effectivement, avec tout ce dont on n'a pas parlé, mais qui est sous-tendu dans votre discours, c'est-à-dire la problématique de l'obsolescence programmée, de ces appareils qui tombent en panne pour être remplacés, pour notamment les téléphones portables. En fait, qu'est-ce qui empêche de passer à ce nouveau rapport à la consommation? Qu'est-ce qui bloque? Est-ce qu'on n'est pas arrivé, effectivement, est-ce qu'on n'est pas enfermé nous-mêmes dans cette bulle technologique ultra confortable, qui fait que oui, c'est quand même chouette si je peux m'acheter dans pas très longtemps un nouvel écran plat un peu plus grand, et parce que j'ai les moyens de le faire. Bon, personnellement, j'ai pas d'écran plat, mais Mathéus. Ouais, bah, il y a plusieurs choses. Il y a le concept de technococon, on peut même l'étendre un petit peu à l'idée de dire, j'en discutais tout à l'heure avec Geneviève Pruvot, qui est une sociologue du travail, qui dit il y a une forme de techno-priorité, comme si tout devait être prioritairement par un outil technologique. Et après, peut-être que si vraiment c'est pas possible de faire par un outil technologique, on se démerdera autrement. Alors que on pourrait très bien avoir le réflexe inverse, c'est-à-dire de faire plein de choses plus simplement et sans technologie. Et si vraiment c'est utile, un peu comme le disait Philippe tout à l'heure, là où il y en a besoin, là où c'est urgent ou des choses comme ça, en garder un petit peu. Je prends l'exemple de la voiture individuelle, on n'a peut-être pas tous besoin. Par contre, une ambulance qui circule vite et qui est efficace, c'est plutôt cool. Mmh. Donc il y a ce sujet-là. Et après, la question des freins, pour moi, effectivement, le principal frein aujourd'hui, et je pense à beaucoup d'enjeux, je veux dire, climatiques, sociaux, politiques, etc., c'est des freins, j'ai envie de dire, idéologiques. On est bloqué par nos idées. Et même, je pense qu'il y a tout un tas de gens qui n'arrivent pas à imaginer autre chose. Et ce qui est intéressant dans la low-tech, c'est que c'est presque une espèce de sérum à ça. C'est un peu, mais regardez, hop, une autre façon de faire. Hop, une autre façon de faire, une autre façon de se chauffer, une autre façon de s'habiller, de conserver ses aliments, on en a parlé, de produire de la nourriture, de d'habiter, etc., etc. Et ça réouvre, en fait, les possibles. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, finalement, trouvent presque refuge dans la low-tech, parce que jusqu'à la low-tech, c'était fataliste. C'était, je pollue, je cause de la misère à l'autre bout de la planète, etc., etc. Et j'ai pas forcément le choix. Je bosse dans un métier qui fait pas sens, etc. Alors que l'idée, c'est de se dire, en fait, en se rappropriant justement ce dont on dépend et dont on croit qu'on ne peut pas remettre en question, eh ben, on retrouve un petit peu d'autonomie et cette liberté de dire on peut faire autrement. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il est envisageable même que tout le monde se convertisse au package complet, finalement. On peut peut-être avoir... Quelle est la marge de manœuvre? Comment est-ce que je veux faire, moi, si je veux effectivement ne pas être dans cette misère, de me dire, mon Dieu, je consomme trop, je consomme des produits qui font du mal à l'autre bout de la planète et ça va pas, sans pour autant vouloir complètement renoncer ni à mon ordinateur, ni à mon téléphone, qui est peut-être pas bête et qui est peut-être pas très smart non plus, mais qui me permet quand même de prendre la voiture et d'avoir un itinéraire sans me planter. Je sais pas, quelle est la limite qui fait aujourd'hui, ou qui serait intéressante à généraliser pour que on consomme moins tout en gardant finalement une partie de ces avantages que nous apporte ce technococon ou cette technologie qui est quand même très très développée. Moi, je ne sais pas s'il faut parler de limite ou s'il faut parler d'échelle peut-être. C'est-à-dire que effectivement, il y a cette échelle, familiale, personnelle, éventuellement associative, où on va pouvoir trouver beaucoup de plaisir dans effectivement des actes de déconsommation ou de réparation ou de réflexion sur effectivement l'utilité de telle ou telle chose. Mais il y a une échelle autre à laquelle il va falloir passer, parce que sinon, effectivement, nous sommes tous enchâssés dans un système technique et technologique. Donc il y a des choses où finalement, même si on ne veut pas quelque part derrière la consommation qu'on a, en fait, il y a toute une consommation et une production cachée qui est convoquée par nos propres actes de vivre, qui fait que de toute manière, voilà, on fait du mal même sans s'en rendre compte parfois, parce que voilà, tout simplement, on va être dans tout un système. Donc je crois qu'il y a l'échelle au-dessus, c'est l'échelle politique, alors qui peut être à l'échelle de la collectivité, qui va de la mairie jusqu'à la métropole. Il y a des gens qui parlent de métropole low-tech, il y a eu des rapports là-dessus, métropole low-tech et solidaire. Il va y avoir bientôt un appel, je pense, à construire la ville low-tech par des gens très sérieux. Où ça? Alors c'est la semaine prochaine, j'ai pas le temps d'en parler, mais voilà, suivez ça attentivement, c'est un teaser. Mais en tout cas, avec des gens qui, quelque part, reviennent aujourd'hui de la promesse de la Smart City, par exemple, c'est de dire, la Smart City, c'est quoi les applications environnementales de la Smart City? À part installer la 5G et mettre des caméras partout et exploiter mes données personnelles pour m'envoyer des pubs géolocalisées. Non, mais si on pousse plus loin, ça peut être aussi l'idée d'une Smart City avec que des véhicules interconnectés, donc collectifs, donc une limitation et des véhicules électriques, donc une forme de service et de plateforme multimodale de transport qui ne passe plus par le véhicule autonome. C'est aussi des projets technologiques qui existent. Voilà, c'est là qu'il faut faire un peu le tri, parce qu'en fait, très rapidement, par exemple, il peut y avoir de l'efficacité, et cette efficacité va être mangée par de l'effet rebond. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que la voiture autonome, selon les modèles, il y en a plein des modèles de voitures autonomes, ça ne sera pas forcément la voiture autonome partageuse dans laquelle il y a 4 personnes, et puis on en a construit moins parce que le matin, elle m'a déposé au travail, l'après-midi, elle a emmené mamie faire les courses. Non, il y a aussi la voiture autonome qui est le bureau mobile de papa, de maman, et du coup, on habite plus loin, et comme on n'a pas besoin de conduire, on travaille dans sa bulle connectée. Et voilà, donc il y a aussi tout ça, le technococon là, qui est mobile pour le coup. Donc, Il y, a, y a toutes les possibilités. Mais en fait, ce qu'on se rend compte, voilà, c'est que les promesses technologiques, encore une fois, ne sont pas tenues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont construit des smart buildings et qui en reviennent parce que, en fait, ça ne marche pas, c'est dévoyé par les utilisateurs. Et donc, il y a une question de prise en main par les comportements, par les usages de réponses qui ne doivent pas être techniques, mais socio-techniques, quelque part, qui sont liées à des organisations, qui sont liées, voilà, c'est, est-ce que vous avez un bâtiment avec des capteurs, les fenêtres s'ouvrent toutes seules, ou est-ce que vous avez un gars qui passe le soir, ou une fille, ouvrir les fenêtres pour, quand il fait un peu plus frais, pour avoir de la ventilation naturelle? C'est ça, aujourd'hui. Ce qui est peut-être important de préciser tout de même, quant à Mathéus, c'est qu'il existe des solutions technologiques qui sont moins gourmandes. Il y a des, je ne vais pas citer de marque, mais aujourd'hui, on peut ne pas forcément avoir un téléphone à clapet qui a 10 ans, mais avoir un smartphone, mais qui est réparable, qui a une durée de vie qui est plus longue, qui est faite dans des conditions équitables, et idem pour des ordinateurs. Ouais, carrément. Après, en fait, je rejoins Philippe sur ce qu'il a un peu introduit là, c'est-à-dire que pour moi, changer de façon de consommer, et donc voilà, je préférais tel objet, telle marque, etc., c'est peut-être une étape pour beaucoup de gens. Pour moi, on va se limiter à nouveau à la sphère de l'individu, de la maisonnée peut-être. Et je pense que c'est se mentir que de croire que individuellement on va pouvoir. Alors on va pouvoir s'aligner avec ses valeurs et ça fait beaucoup de bien. Et ça permet de rayonner sur les autres et ça a un impact véridique. Mais par contre, ça va pas changer profondément la tendance dans laquelle on est et on va juste entre guillemets additionner. Aujourd'hui, on le voit, toutes les technologies qui ont été amenées et probablement les low-tech, les vélos aujourd'hui électriques partout, s'additionnent au reste. Il n'y a pas forcément de vrai changement entre guillemets de système en profondeur. Donc je pense que le sujet il est effectivement politique, pas forcément dans pouvoir, enfin il est aussi dans pouvoir délibérer collectivement de ce qu'on veut, ce qu'on veut pas. Bon, ça on voit bien que c'est un peu compliqué, mais idéalement ce serait un peu ça. Et puis c'est sur des choix aussi de qu'est-ce qu'on a envie de manger, qu'est-ce qu'on a envie qu'il soit produit, par qui, de quelle façon, à quelle échelle, etc. Et ça va jusqu'à du coup redéfinir un petit peu nos finalement notre façon de nous organiser collectivement pour vivre dans des bonnes conditions et ne pas conditionner les modes de vie des autres. Il y a vraiment ce geste-là dans la loterie qui est important, je pense, c'est je reprends en charge un certain nombre de choses. On n'a pas parlé des toilettes sèches ou d'autres choses, mais là, je prends en charge la conservation de mes aliments, par exemple, ou je reprends en charge. Et ça veut dire que, du coup, je ne me repose plus sur la technologie, mais en fait derrière la technologie sur des énormes infrastructures qui impliquent de l'extractivisme, de la pollution, de l'exploitation, etc. Et donc je ne me décharge plus, pas non plus sur, je sais pas comment dire, mais le livreur à vélo, voilà, le livreur à vélo, est-ce que c'est génial parce que c'est un vélo? Je ne pense pas. Peut-être que je peux aller aussi m'organiser pour aller au restaurant chercher ce que j'ai envie de manger ou faire mes courses ou et voir peut-être produire un certain nombre de choses sur mon balcon pour plus avoir besoin d'aller faire les courses. Un dernier mot pour conclure, si très concret, là pour les auditrices et les auditeurs qui peuvent être intéressés, curieux, etc. Comment, par quoi je commence? Ça veut dire je commence par ne plus acheter de technologie tous les deux ans et j'arrête de changer mon téléphone. Je vais me renseigner au Fab Lab, à la recyclerie, ressourcerie à côté. Donnez-nous deux trois trucs concrets. Philippe Biwix. C'est difficile. Effectivement, le meilleur smartphone avant d'acheter la fameuse marque qu'on n'a pas citée, mais c'est Fairphone et c'est très bien. Oui. Vous pouvez aller voir ce qu'ils font. C'est de pas en changer déjà. Voilà, sans doute, c'est la première chose. D'essayer de se déconnecter, de transmettre, parce que les générations futures, elles sont là aussi. Il faut montrer qu'il n'y a pas que du numérique et qu'il y a plein d'autres choses à faire. Et puis, effectivement, il y a plein de lectures maintenant, de sites, de choses, de gens, d'associations à côté. Ça peut être Repair Café, ça peut être une association pour l'informatique libre, qui permettent de lutter contre l'obsolescence entre les logiciels et le hardware, plein de choses comme ça. Et la question de la résilience est hyper importante, c'est-à-dire se reprendre en charge, c'est aussi être moins exposé à des risques géopolitiques, de chaînes de valeur mondiales. Regardons par exemple les chaînes de voitures qui se sont arrêtées parce qu'il n'y avait plus de microprocesseurs taïwanais. Donc c'est aussi ça, la capacité à réparer, à maintenir, c'est conserver les besoins, les services, même si ça devient un petit peu plus compliqué au niveau mondial. Quant à Mathieu, en un mot, à partir du 25 à Concarneau, le 25 juin, samedi prochain, qu'est-ce qui se passe? Vous nous rappelez Pendant 10 jours, on a 1600 m² aménagés sur au cœur de Concarneau, sur le port. Et en fait, on donne à voir tout ce qu'on a appris, on réunit tous les gens qu'on a rencontrés, on donne à saisir et à comprendre concrètement ce qui se cache derrière ce terme. Et on s'arrête c'est très là bien. Parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'est à Concarneau. De toute façon, on a mis toutes les informations sur notre fil Twitter et sur la page de l'émission. Et un mot pour rappeler également l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable, livre de Philippe Biwix aux éditions du Seuil. Merci beaucoup à tous les deux. C'était Alex Dang aujourd'hui à la technique. On se retrouve demain.